Herri Hotsak, Bidasoaldeko herri mugimenduaren saioak egunero Antxete Irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gabeko zortzietatik bederatziak arte. Pausu Mediak ekoiztutako saioak. Arratsaldeon, Sarah. Arratsaldeon. Comment ça va? Bien. Et bienvenue une fois de plus, ongi etorriak herri hotsakera, ongi etorriak gure kunkara. On parle aujourd'hui, Sarah ? Alors aujourd'hui, on va parler des familles et des enfants qui sont enfermés dans les centres de rétention. Mais c'est très bien, tout ça pendant une heure, ici Antxeta Irratia, gure kunka. Donc l'enfermement des enfants en centre de rétention, on rappelle à ceux qui nous écoutent que la rétention c'est un des thèmes centraux de Gure Kunka avec la CIMAD, avec Sarah qui fait cette émission et qui travaille plus précisément au centre de rétention de Hendaye. Et aujourd'hui, on va parler de cette situation qui est, je pense, plutôt difficile, non, Sarah ? Oui, tout à fait. Depuis le début de l'année 2011, on n'est pas loin d'une dizaine de familles qui ont été interpellées. Et donc, cette interpellation massive donc marque un nouveau durcissement à l'égard des migrants, avec des interpellations au sein même des écoles, et qui aboutissent bien souvent à l'enfermement des enfants et de leurs parents. Donc, j'ai pris le cas de quatre familles qui présentent la situation d'une manière assez flagrante. Donc, la première, ça s'est passé en fait que la police est allée chercher un enfant de 6 ans au sein même de son école primaire dans un village auvergnat. Il y était scolarisé depuis 3 ans et l'enfant se trouve aujourd'hui en compagnie de son père et de sa belle-mère au centre de rétention de Nîmes, où ils n'ont toujours pas été libérés et où il faut savoir qu'il peut demeurer enfermé jusqu'à 32 jours si, bien évidemment, un vol pour son pays n'est pas prévu avant. Dans le même temps, à Tours, donc dans le centre de la France, à la sortie d'une autre école, c'est un enfant de 7 ans qui n'aura pas trouver son oncle à la sortie, ce dernier ayant été arrêté par la police devant l'école alors qu'il venait le chercher. Une troisième famille, quant à elle, dans les Alpes-Maritimes cette fois, a également été arrêtée au petit matin dans l'hôtel où elle résidait. Le père qui était malade a été transporté à l'hôpital suite à un malaise et la famille a alors été éclatée puisque la mère et les quatre enfants âgés de 4 mois à 12 ans ont été conduits donc, au centre de rétention de Nîmes. Le lendemain, donc, la maman et les enfants ont été conduits de force à Marseille où un vol gouvernemental, c'est-à-dire un avion spécialement affrété par le gouvernement, les attendait pour les renvoyer chez eux. Et pendant ce temps-là, le père, donc hospitalisé lors de l'interpellation, avait lui été placé au centre de rétention de Nice. Et donc la famille a été éclatée puisque la mère et les enfants ont été renvoyés pendant que le père, quant à lui, était toujours en rétention. Il y a un mois de ça, une famille avec trois enfants âgés de 3 ans à 8 ans, originaires donc du Kosovo, des Roms du Kosovo, a été placée à Hendaye. Là encore, suite à son interpellation sur ordre du préfet du Lot-et-Garonne. Donc, interpellation qui est intervenue au petit matin, à 7 heures, dans une chambre d'hôtel où elle était hébergée par le 115, qui est l'hébergement d'urgence. Le préfet a pris à leur encontre une mesure donc, visant à les renvoyer vers le Kosovo, alors même qu'ils sont demandeurs d'asile en Italie, et donc censés être sous la protection de la Convention de Genève de 1952 qui protège les réfugiés. Donc on voit là la première ineptie de cette situation qui montre bien l'absence d'études en fait, de la situation des parents par la préfecture, puisque toujours donc, sous cette course aux chiffres et aux quotas, on va arrêter des gens et les renvoyer chez eux sans même étudier leur situation. Puis, donc pendant que la famille était enfermée, nous avons pris contact avec le réseau de soutien et nous avons appris que la préfecture de la Gironde avait diligenté une procédure pour que la famille reparte en Italie, où elle avait donc déposé sa demande d'asile. Et donc là, on voit la deuxième ineptie, toujours due à cette course aux chiffres, qui soulève l'absence totale même de communication au sein de l'administration, puisque les deux préfectures, et notamment la préfecture du Lot-et-Garonne, n'avaient même pas pris la peine de prendre contact avec celle de la Gironde pour voir ce qu'il en était de cette famille. Finalement, le juge, donc après quand même 4 jours de privation de liberté, donc de garde à vue et de centre de rétention, le juge a décidé donc de libérer la famille en raison donc de nombreux vices de procédure, notamment l'accès à un interprète, et également fondé sur l'atteinte au droit fondamental qu'est le droit d'asile. Donc à travers la présentation un peu de ces quatre familles qui ont été interpellées, je voulais aborder plus spécialement l'enfermement des familles en rétention et notamment le caractère dramatique que ça peut présenter pour des enfants. Donc, dénoncé depuis de très nombreuses années par la CIMAD dans ses rapports, les placements en rétention des familles avec enfants n'ont eu de cesse de se multiplier et voire même d'être banalisés par l'administration en dépit de nombreuses réactions de la part de la société civile. À titre d'exemple, dans son rapport de 2009, la défenseure des enfants indiquait que 38% des requêtes reçues pour des mineurs étrangers concernaient des enfants placés en rétention, ce qui est énorme. Jusqu'en 2004, chaque année, une trentaine d'enfants étaient placés en rétention et en dehors de tout cadre juridique, c'était une pratique utilisée par certaines préfectures et certains responsables de centres de rétention. D'autres préfectures refusaient de placer donc, des enfants pour des raisons humanitaires et parfois même d'organisation. Quasiment clandestin, peu connu et bien évidemment honteux, l'enfermement des enfants restait un phénomène relativement marginal. Et si je vous parle de l'année 2004, c'est que cette année-là a marqué un tournant dans ce phénomène. Et à la suite du vote de la première loi Sarkozy du 26 novembre 2003, la politique du chiffre s'est mise en place. Et pour la première fois, des quotas d'expulsion ont été fixés pour chaque préfet. Par exemple, l'objectif pour l'année 2004, pour l'année 2004 était de 15 000 expulsions. On en est aujourd'hui à 27 000. Dès lors, la pression sur les familles et l'enfermement des enfants ne va faire que s'amplifier. Et dès cette année 2004, nous observons une augmentation des arrestations et des placements de familles en rétention. Désormais, l'enfermement des mineurs est assumé et il devient un élément de la politique d'expulsion mise en place par le gouvernement français. Alors, en droit français, il faut savoir qu'un mineur, c'est-à-dire un enfant de moins de 18 ans, est protégé contre toute mesure d'éloignement, puisque celui-ci n'est pas astreint en France à posséder un titre de séjour. Ne pouvant être expulsé, il ne peut donc pas faire non plus l'objet d'un placement en rétention, ce qui est prévu par la loi française. Pourtant, jusqu'en 2005, et ce en dehors de tout cadre juridique, certains centres acceptaient la présence des familles. Et de nombreux enfants ont accompagné, selon le terme consacré, leurs parents placés en rétention lorsqu'une mesure d'éloignement les concernait. Et donc ces enfants ont accompagné leurs parents sur décision de l'administration au prétexte qu'on ne sépare pas les enfants de leurs parents. Donc, à l'absence de statut du mineur retenu, des conditions non définies de son enfermement, mais surtout de l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant qui est privé de liberté, ou encore à la pratique du placement d'enfants en rétention, parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que enfermement d'un enfant signifie sa déscolarisation en premier lieu. Donc, a été constaté dès sa mise en place. Et ces conditions de l'enfermement ont en partie été encadrées par un décret qui est très lacunaire en la matière, mais c'est le seul texte qui encadre en France l'enfermement des enfants, qui prévoit que les centres de rétention susceptibles d'accueillir des familles disposent de chambres spécialement équipées et notamment de matériel de puériculture adapté. Alors, voilà la seule phrase qui régisse en France l'enfermement des enfants, sans pour autant donner un fondement juridique, puisque seules des normes matérielles vont être instaurées. Plusieurs centres de rétention ont ainsi été habilités à recevoir des familles, après des aménagements correspondant à ce nouveau décret. Et actuellement, la moitié des centres de rétention, dont celui d'Andaye, c'est-à-dire 12 centres sur 25, sont habilités à accueillir des familles et donc des mineurs. Alors, on notera une particularité avec le centre de rétention de Plaisir qui se trouve dans les Yvelines. En effet, par décret publié au Journal officiel en août 2009, ce centre ne reçoit plus de familles. Et il est intéressant de souligner que c'est à l'initiative du chef de centre lui-même qui a exprimé auprès de sa hiérarchie sa désapprobation quant au placement de famille dans un document intitulé « Accueil de famille au CRA » dont je vais vous lire quelques extraits qui sont tout à fait évocateurs. Si je peux, avant de lire, on fait un petit résumé. Beraz, itzuliko dut pixka bat, zarrak kontatzen ziguna. Aurretaz ari gera, erretentzio zentroetan ipiniak diren aurretaz. Esaten zigun geroz eta familia gehiago atxilotuak eta honek ekartzen duena da aurrak atxilotzea ere eta beraz geroz eta aur gehiago daudela erretentzio zentroetan ipinita. Eskoletan ere burutzen ari dituzte atxiloketa hauek batzutan eta orain dela hilabete bat adibidez Kosoboko familia bat egondu zen atxilotua Hendaiako erretentzio zentroan. Guzti hau 2004 urtera arte ezen gertatzen aurrak ez ziren erretentzio zentroetan iaia jarriak eta prefektura batzuetan debekatua zegoen ere. Baina Sarkoziren kuota legea onartu zenetik, gogoratzearena kuota lege honek diona da edo jartzen duena da kanporaketa minimo bat prefektura bakoitzean, honek ekarri duena da geroz eta familia gehiago eta beraz aur gehiago atxilotuak izatea. Thank you. Alors voilà en substance ce que disait ce rapport. En premier lieu, le public familial y est vulnérable et peut se retrouver confronté malencontreusement au déraillement, automutilation, rixes, cris, vociférations, dégradations, énurésie diurne dans les couloirs, de quelques retenues violentes, notamment des marginaux provenant de la rue ou de prison. Cependant, on ne peut obliger une famille en de pareilles circonstances à demeurer enfermée dans sa chambre jusqu'à leur départ. Ce serait ainsi conjuguer la pénibilité d'un double enfermement à une mesure attentatoire au droit de circuler, de téléphoner librement dans la zone de rétention. On ne peut pas davantage contraindre à l'isolement un fauteur de troubles qui n'aurait pas commis de faits susceptibles de poursuite par le parquet. Il est à souligner que les inquiétudes, voire le malaise ressenti par l'ensemble du personnel de l'établissement, policiers, personnel soignant, prestataires de services, associations, sont manifestement imputables pour beaucoup aux conditions matérielles de rétention de familles dans notre centre. C'est ainsi qu'en qualité de chef de centre, il me semble urgent de suspendre l'admission des enfants et d'engager, en concertation avec les autorités administratives concernées, une démarche résolutoire sur les conditions d'accueil des familles dans le CRA de plaisir. Donc, en dehors de cette exception tout à fait remarquable, qui a été d'ailleurs l'unique fois où un chef de centre s'est clairement opposé à l'enfermement de famille. Une véritable institutionnalisation des placements en rétention s'est instaurée et quotidiennement des enfants connaissent la rétention. Alors, l'âge des enfants qui sont placés en rétention avec leurs parents varie de quelques jours à la majorité, l'âge moyen se situant à peu près autour de 8 ans. Donc 8 ans, ce qui est en général l'âge où les enfants sont à l'école primaire et commencent à apprendre à lire et à écrire. Il faut savoir que certains se retrouvent privés de liberté derrière des barreaux dans ce qu'on peut appeler une prison. Il est important de marteler que ces mineurs présents dans les centres de rétention ne font l'objet d'aucune mesure administrative et au strict plan juridique, ils n'existent pas. Leur présence à l'intérieur d'un centre de rétention n'est mentionnée nulle part, pas même dans le registre du centre qui, en fait, répertorie l'ensemble des personnes retenues et les mesures pour lesquelles elles sont là. Les autorités considèrent en effet que les enfants ne pouvant pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire, elles ne sont pas tenues d'apporter la mention de leur présence dans un quelconque document. Et donc, comme je disais juste avant, l'administration justifie le placement en rétention de mineurs en considérant qu'ils ne font qu'accompagner leurs parents, qui, eux, font l'objet d'une procédure d'expulsion et qu'elles respectent ainsi le principe de l'unité familiale. Elles détournent donc ce principe, faisant ainsi subir à un enfant et à sa famille un enfermement qui a toujours de graves conséquences. Alors, en France, il n'y a que dans les centres de rétention et les zones d'attente, qui sont des lieux d'enfermement pour étrangers, mais quelque peu particuliers, que l'on enferme des mineurs de moins de 13 ans. Il faut savoir qu'entre 2004 et 2009, donc en 5 ans, le nombre d'enfants enfermés a quasiment doublé. On est passé de 165 mineurs donc enfermés avec leurs parents à plus de 300 en l'espace de 5 ans. Et on assiste ainsi à une véritable maltraitance institutionnalisée, puisque l'habilitation de certains centres de rétention à recevoir des familles illustre une contradiction typiquement française, ou comment répondre à un vide juridique par l'aménagement matériel d'une structure. Donc, je le répéterai jamais assez, le droit français ne permet pas l'enfermement des mineurs qui ne peuvent pas, en tant que tels, faire l'objet d'une décision d'éloignement. Pourtant, les autorités françaises créent des centres de rétention avec des structures adaptées à l'accueil d'enfants qui vont accompagner leurs parents. Et cette entorse au principe des droits de l'enfant entend se justifier par l'impérieuse nécessité de l'administration d'exécuter en urgence la mesure d'éloignement de leurs parents, puisque, bien évidemment, la plupart du temps, ces familles sont soutenues par des réseaux associatifs. Et lorsque l'administration prend la décision d'expulser une famille, ça se fait très souvent, très rapidement. Et le but, en quelque sorte, est que la famille reste le moins possible en rétention pour que le réseau de soutien n'ait pas le temps de s'organiser pour faire du tapage médiatique en général. Donc, au regard de cette nécessité mise en avant par l'administration, les disparités en termes de gestion matérielle de l'accueil des familles par les différents centres sont flagrantes. Et l'absence totale d'instructions sur ce qui est indispensable pour un enfant entraîne un manque d'harmonisation des conditions d'enfermement des familles dans tous ces centres de rétention, puisque cette tâche est en fait confiée aux bons soins du chef de centre. En effet, il est de sa responsabilité d'adapter la gestion quotidienne de son centre aux besoins particuliers d'une famille, sans bien sûr un quelconque soutien de personnel spécifiquement formé à la pédagogie ou la puériculture. Il faut savoir que le centre de rétention de Rennes a reçu un nourrisson de 3 semaines en 2007, qui est le plus jeune enfant placé en rétention. Et enfin, aucun contrôle de ce dispositif n'ayant lieu, le chef de centre peut s'adapter ou non à la présence d'enfants dans son CRA sans qu'il n'y ait de conséquences particulières pour lui. Par exemple, il faut savoir qu'en DAI, des enfants qui sont placés en rétention vont être soumis au même régime alimentaire que les adultes et soumis au même repas que les adultes, c'est-à-dire le petit déjeuner à 8 heures, le déjeuner à midi et le repas du soir à 19 heures. Aucun goûter, rien du tout n'est prévu pour les enfants. Année du dragon. Ailleurs devine qui débarque à Roubaix pour de bon. Bibi le b-boy, un soir de pleine lune. La cigogne me parachute sans bagage, sans habit et sans thune. Erretentzio zentroetan atxilotuak diren aurretaz ari gara. Moi j'étais ce qu'on appelait un fils d'étranger. Comme disait Fernand Reynaud, on venait manger le pain des Français. Aurrauen batazbesteko adina 8 urtekoa da. Eta erretentzio zentroetan daudenak ez dute eskolarako juteko almenik. Gainera bertako egoera ez dago beraiei batere egokitua, adibidez Agak esaten zuen Hendaiako kasuan jaten dutena beraien bazkariak eta afariak berdin berdinak direla. Baina Agak esaten zuen legez debekatua dagoela aurrak atxilotuak egotea erretentzio zentroetan, baina erabiltzen duten trikimailua edo frantses estatuko legearentzat beraien gurasoen egoera irregularra da, hau da, aurrak beraien gurasoetatik ez banantzeko bertan jartzen dituzte, nahiz eta guztiz legala ez izan. Azken 5 urtetan 200 baino gutxigo izatetik 300 baino gehiago izatera pasa dira aurrak erretentzio zentroetan. On jouait là au milieu des blocs, là-haut à leur fenêtre nos supporters de choc. Au début, les voisins trouvaient ça sympathique. 3 heures et 3 carreaux cassés plus tard, ils appelaient les flics. Rien n'a changé depuis le jour où j'ai su. Eta musika honekin jarraitzen dugu hemen gure kunkan Antxeta irratian. Rien n'a changé depuis l'époque de la One Love Nation. Peace, unity, love and having fun. Qu'un jour le hip-hop débarque sur notre planète. À Roubaix, tous les membres de mon âge sont tombés sur la tête. Breakdance Thomas, moi je dansais comme un robot. Grande gueule, petit bras, j'ai plutôt choisi le micro. Raconter des histoires, c'est tout ce que je savais faire. Sur le devant de la scène, je kiffais à me la jouer gangster. Mon stylo bic, mon revolver, mon micro aux armes, un lance-missile nucléaire. Saltimbanque, c'est devenu mon métier. J'en profite, conscient qu'ici-bas on ne fait plus que passer. Je raconte ce que je vois, je vis ce que je raconte. Témoin d'une époque pas banale où seuls les résultats comptent. Je suis un chanteur, un comédien comme le daron. Tout finit comme ça a commencé, l'histoire a du bon. Et quand ma tchotte vient me voir en concert, ça me rappelle quand j'étais minot au marché avec mon père. Rien n'a changé depuis le jour où j'ai su parler. Maman s'il te plaît, mets-moi un bon vieux pas parler. Rien n'a changé Depuis l'époque de la One Love Nation. Peace, unity, love and having fun. Bidasoaldeko herri mugimenduak ehun saio Antxeta irratia. Martxoak 4, 8-9 arte Herriotxak zientoka. Zinema ziklo kulturan hitza. Lakasita gaztetxean ostegunero 7:30 aurrera adiskidetuak guztion artean, AEK, Zimat, Bilgune Feminista eta Antxeta irratiak, hainbat pelikula eskainiko dizkigute kulturen arteko erlazioa eta elkarlana bultzatzeko. Ostegunero 7:30 aurrera, zinema kulturan hitza Lakasita gaztetxean. Martxoaren 5 arratsaldeko 6 Moskuko Izargorrian. Irungo preso politiko eta ieslarien aldeko konpartsa. Giro bikainean, Irungo zoko ezberdinetan gurekin egon ezin direnak omentzeko, gogoratzeko eta goraipatzeko. Ederki pasatzeko. Musika. Paiazoak. Kalejira. Edariak. Gustukiak. Jolasak. Eta elkartasuna. Martxoaren 5 arratsaldeko 6 Moskuko Izargorrian. Elkartasuna ez da delitua. Anima zaitez! On continue donc ici à Antxeta Irratia Gurekunka. On parle sur la rétention des enfants, un thème très dur, je pense. Oui, alors je viens un peu de brosser la présentation d'un point de vue matériel, mais ce qui est bien évidemment le plus important et le plus dramatique, c'est la rétention d'un point de vue sociologique et notamment psychologique sur les familles, puisqu'on assiste à un déni de l'identité familiale. Déni de l'identité familiale tout d'abord par la dépossession de la qualité de parent. En effet, placé dans un lieu de privation de liberté, chaque enfant est tenu, tout comme n'importe quel autre retenu adulte physiquement présent au CRA, de respecter le règlement intérieur et l'application qu'en fait le chef de centre. La vie quotidienne dans le centre s'inscrit dans un cadre de vie en collectivité extrêmement réglementé afin de contrôler au mieux les mouvements de chacun. Et si l'administration reconnaît le statut de parent, il n'en reste pas moins qu'elle ôte de fait toute responsabilité et autorité aux parents sur ses enfants. Il arrive parfois que les parents se fassent interpeller sans leurs enfants. Et l'administration va justifier la création de centres famille en mettant en avant la volonté de conserver l'unité familiale, bien que les pratiques montrent qu'il n'en est rien. Parfois, l'administration concourt même à briser cette unité familiale en organisant l'éloignement d'un parent placé en centre sans son enfant qui demeure à l'extérieur. Et cette séparation de la famille devient parfois même un enjeu de chantage, puisque la préfecture va dire, et ça s'est déjà vu donc ici même à Hendaye, la préfecture va dire aux parents qui a été interpellé, mais il suffit que vous fassiez venir votre enfant au centre de rétention et vous serez renvoyés tous les deux dans votre pays. Pour les familles donc, qui sont placées en rétention, le rythme de la journée est imposé par les contraintes structurelles liées à la vie en collectivité dans un lieu privatif de liberté. Ainsi, les parents ne décident plus ni de l'heure à laquelle leurs enfants vont se lever, ni de l'heure à laquelle ils vont prendre leur repas, ni même la composition de ces derniers. Certains centres de rétention, par exemple, comme celui d'Hendaye, ne prévoient absolument pas de menu adapté pour les enfants. Les parents sont de fait placés dans une situation d'impuissance où ils attendent qu'un juge, un consulat ou une administration décide de leur avenir. Ils n'ont aucune réponse à fournir à leurs enfants dans la mesure où ils ne sont plus décisionnaires de rien. Et il en va de même pour assurer l'avenir de leurs enfants, puisqu'ils ne peuvent même pas, dans le pire des cas, demander à ce que leur enfant puisse rester en France, dans le cas où la perspective de retour dans le pays d'origine s'accompagne de risques réels pour la vie ou l'intégrité physique. Il ne leur est même pas permis d'établir une délégation d'autorité parentale, comme certains pourraient vouloir le faire, pour laisser par exemple l'enfant auprès d'un parent établi en France. Délégation d'autorité parentale afin de pouvoir protéger physiquement leur enfant. Cette démarche étant très longue et soumise à une procédure stricte, bien évidemment, comme je disais, les familles sont la plupart du temps renvoyées dans un temps très court pour éviter toute mise en place d'un quelconque soutien. Il y a également une modification de la relation parent-enfant. Donc, l'enfant va être soumis au même régime que ses parents, lesquels sont dans un état de vulnérabilité tel qu'ils ne peuvent même plus agir pour leurs enfants, ni même leur expliquer une situation qui bien souvent les dépasse eux-mêmes. Or, aux yeux de l'enfant, ses parents sont censés être ses référents et sont dans cette situation impuissants à assurer leur protection. Parfois, les parents vont être menottés sous les yeux des enfants qui vont les voir de fait être avilis, se faire traiter comme des criminels par des gens en uniforme sans en comprendre la raison. Et plusieurs intervenants en rétention, que ce soit de la CIMADE ou même du personnel médical, ont vu qu'une fois au centre, bien souvent les adolescents refusent de croire leurs parents et les accusent parfois de leur mentir, car pour eux, il est impensable que la France les traite ainsi s'ils n'ont pas commis de délit ou de crime. Et dans tous les cas, c'est une catastrophe pour les parents qui, de modèle, vont devenir un objet de mépris et voire même d'agressivité de la part de leurs enfants. En outre, il n'est pas rare que le rôle des uns et des autres dans la famille s'inverse. Effectivement, les enfants parlent souvent mieux le français du fait de leur scolarisation en France et vont servir ainsi d'interprètes à leurs parents. Le personnel du centre va alors s'adresser en priorité aux enfants et demander ensuite de traduire leurs propos à toute la famille, plutôt par exemple que de faire appel à un interprète. Et les enfants ont de fait un rôle crucial, car ils vont être ceux qui renseignent leurs parents, alors de date de convocation auprès des juges, ou du sens d'une décision, ou encore ne serait-ce que les dates prévues pour l'embarquement vers le pays de retour. Et ainsi, le poids qui pèse sur les épaules de ces enfants, qui sont parfois, minots. Je me rappelle d'une fois, au centre où une famille était placée, inconsciemment, on a demandé à une gamine de 8 ans d'assurer l'interprétariat pour ses parents. Interprétariat qui est parfois extrêmement compliqué, qui peut être extrêmement violent quand on aborde les raisons notamment qui ont poussé les parents à quitter leur pays quand c'est pour des raisons de danger de mort. Et donc ce poids qui pèse sur les enfants et l'impact de ces pratiques sur leur santé mentale est loin d'être négligeable. Un centre de rétention est donc un lieu de privation de liberté particulièrement anxiogène. Par exemple, au centre de Toulouse, qui est donc implanté juste au bout des pistes de l'aéroport, le passage régulier d'avion au-dessus du CRA rajoute une pollution sonore à l'angoisse générée par le placement dans un lieu clos. Au placement en rétention s'ajoute l'isolement lié à la déscolarisation des enfants, dont je parlais au début. Ceux-ci sont effectivement arrachés à leur environnement social et déscolarisés du jour au lendemain, alors qu'ils suivent pour beaucoup une scolarité en France depuis plusieurs années, car bien souvent, les parents marquent un point d'honneur à scolariser leurs enfants pour que, au moins, leurs enfants puissent être intégrés dans la société française. Et en plus de la brutalité de l'interpellation qui a très souvent lieu au domicile et tôt le matin, les familles donc sont contraintes d'abandonner en quelques minutes tout leur avenir. Cette expérience est traumatisante et encore davantage pour les enfants qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Les familles se retrouvent alors sans activité, dans une perspective de retour rapide dans le pays d'origine, pays que les enfants souvent ne connaissent pas pour être nés sur le territoire français ou y avoir passé la plus grande partie de leur vie. Dans le centre, bien évidemment, aucune activité n'est proposée aux enfants qui subissent alors le même traitement que leurs parents. Or, la plupart des familles placées en CRA sous le coup de procédures d'éloignement ne restent que très peu de temps. Parfois moins de 24 heures, donc comme j'expliquais, les raisons de ce placement très court que j'expliquais tout à l'heure. Et toute intervention pour faire valoir leurs droits est de fait limitée. Des recours bien souvent introduits en urgence auprès des tribunaux sont parfois audiencés, alors même que la famille a déjà été embarquée, et il est donc fréquent que ces familles n'aient pas la possibilité de présenter leur situation à un juge et ne puissent pas non plus contacter un avocat ou rencontrer une association pour exercer leurs droits au vu des délais extrêmement courts. A contrario, on constate que la faible partie des familles à ne pas être éloignées rapidement reste en moyenne un temps beaucoup plus long que les autres retenues en centre de rétention. Et l'allongement du temps de privation de liberté pour un enfant est pourtant proscrit par la Convention internationale des droits de l'enfant, convention qui prévoit que qu'un enfant, s'il venait à être privé de liberté, doit l'être pour une durée aussi brève que possible. C'est ainsi que, à l'incompréhension du placement en rétention, s'accompagne la violence de la perspective d'un renvoi forcé, de surcroît dans un pays où la famille craint pour sa vie ou son intégrité physique, et donc tout concourt à accentuer le désarroi et la perte de repères pour la famille retenue, laquelle n'en est que d'autant plus vulnérable. L'angoisse et la culpabilité des parents se répercutent sur leurs enfants, lesquels développent des symptômes relevant de réels traumatismes liés au placement dans un lieu privatif de liberté hautement anxiogène. Angoisse, insomnie, cauchemar et même mutisme. La première famille qui a été placée à Hendaye, il y avait un petit garçon de 5 ans. Et la famille a été libérée par le juge après avoir passé 5 jours enfermé. Et le pédopsychiatre qui suivait le petit garçon de 5 ans a constaté une régression de ce garçon. Et il a eu une période d'une quinzaine de jours où cet enfant a totalement perdu l'usage de la parole. Il était tombé dans un réel mutisme. Et le médecin a expliqué ce mutisme donc dû au traumatisme qu'il avait subi dans ce lieu de rétention. Un autre exemple pour montrer ce traumatisme, par exemple au centre de rétention de Toulouse, une mère placée en rétention a répercuté le choc psychologique lié à l'enfermement sur ses enfants. Donc un jour, elle poussait ses enfants à manger plus que de raison, le jour suivant, elle les privait de nourriture. Et en pleine détresse, souffrant d'accès de violence soudain, elle a tenté de se suicider et a dû être hospitalisée. Les médecins ont relevé que la privation de liberté avait eu des effets dangereux, non seulement sur la mère, mais également sur les enfants. Et c'est ainsi que la famille avait été libérée. Mais il avait fallu en arriver à des traitements inhumains de la mère sur ses enfants et une tentative de suicide pour que, finalement, les institutions prennent en compte le caractère destructeur d'une privation de liberté. Ce caractère traumatisant a de nombreuses fois été dénoncé par des autorités administratives indépendantes en France, comme la Défenseur des enfants, ou encore le contrôleur général des lieux privatifs de liberté, qui n'ont de cesse, dans leurs différents rapports, de dénoncer l'enfermement des enfants. Bon, dénonciation qui reste lettre morte auprès des institutions. C'est donc dans ce contexte d'extrême vulnérabilité que les familles vont être ensuite présentées à des juges qui vont décider de leur sort. Passer ma vie sur les routes nomade tel un vagabond. Passer ma vie goutte après goutte, goûter tout ce qu'il y a de bon. Passer ma vie à raconter des histoires, chanter des chansons. Fuir ce monde qui est illusoire, ce monde qui me fait la leçon. Erretentzio zentroetan jarriak diren familien egoera hitz egiten genuen. Eta honek sortzen dituen ondorioetaz, adibidez, beraien seme alaben aurrean atxilotuak izatea oso bortitza izan daiteke, bai aurrentzat eta bai beraien gurasoentzat, eta honek zalantzak sortzen alditu aurrengan duten beraien gurasoen irudiaz. Batzutan aurre edo nerabe hauei itzulpenak egitea eskatzen zaie beraien gurasoak familia ezagutzen ez dutenean, eta itzulpen hauek ba, epaile baten aurrean izan daitezke, imaginatu zenolako karga izan daiteken horrelako zerbait, horrelako egoera hain bortitz batian. Familiak erretentzio zentroetan jarriak direnean, ahalik eta lasterren kanporatzea saiatzen dira, egoera hauek izan dezaketen impacto mediatikoa ekiditzeko. Baina tamalez ere, beste batzuetan, kanporatuak ez direnean oso azkar, gertatzen dela da besteak baino denbora gehiago pasatzen dutela erretentzio zentroetan. Eta hau guztiz kontra dihoa aurren kartaren eskubideen kontra hain zuzen. Askotan gertatzen da ere, kanporatuak diren aur hauek, bidaliak diren herrialdeak ez ezagutzea ere, estatu frantsesean jaioak izanagatik. Kriston ondorio psikologiko latzak izan dituzte batzutan atxilotuak izan diren aurrak, kasuak eman dira nun aurrak egunak pasa dituzten mututuak adibidez. Baina horrelako egoeretara iritsi gabe osoikoak dira amets gaiztoak edo hainbat traumatismo psikologiko izatea aurrauek. irubebikoitza.herriotsak.info Luxu eta maitasun hotsak, gonekin erobero, txingurri hotsak, mundu hotsak, gure kunka. Herri mugimenduaren ahotsa, Antxeta irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gaubeko zortzitatik behatzik arte. Herri hotsak, Pausu Mediak ekoiztutako saioak. Antxeta irratia .com On kontinuzio Antxeta irratia, on buzekute gure kunka, inugeste une quinzaine de deux minutes, on a encore des choses à vous raconter. Oui, alors pour terminer sur, sur l'aspect, on va dire, émotionnel de ce que peut être de ce que peuvent être des enfants enfermés, et avant de vous parler d'une action qui est en train d'être mise en place sur Paris, je voulais vous lire un texte écrit par, donc par une ancienne intervenante en rétention, Charlotte Delobier, qui a travaillé de nombreuses années au centre de rétention de Oissel, près de Rouen. Et j'ai envie de dire que les enfants enfermés étaient devenus son quotidien. C'est son témoignage que je vais vous lire. Deux familles tchétchènes sont arrivées hier soir au centre de rétention de Wassel. Les familles Idalov, 5 enfants, et Saïdoulev, 3 enfants. Elles sont sur le territoire français depuis quelques mois, venues demander l'asile en France. L'administration ordonne leur reconduite en Pologne, premier pays européen où ils ont demandé l'asile, seulement pour pouvoir passer la frontière. Sans conviction, ils ont dit « oui, asile », et on a pris leurs empreintes. Maintenant, elles sont dans le fichier. Plus possible de demander refuge ailleurs, dans un pays qu'ils auraient choisi, vraiment choisi. Tôt ce matin, la police est venue les chercher, à l'hôtel où ils logeaient. Toute la journée, ils ont voyagé pour arriver ce soir au centre. C'est l'ébullition dans la zone de vie des familles. Dans la perspective de ces nouvelles entrées, un agent est allé faire les courses au supermarché voisin. Des policiers apportent par carton entier, tout droit sorti du coffre de la voiture de service, des barres chocolatées, des bonbons, des compotes, des gâteaux, des jus de fruits, des petits pots pour bébé. Le major court d'un bureau à l'autre, l'air inquiet. Il cherche la console Nintendo que nous avions apportée l'an dernier. Nous ne la retrouvons plus à son grand dam. Dans un élan, il en avait fait la promesse aux enfants. Il exprime sa déception, comme pour me prouver quelque chose, cherchant à compenser une sournoise culpabilité qu'il éprouverait plus particulièrement à mon contact. Pour ce que je représente dans son idée, pour ce qu'il pense que je pense de lui. Oh, vous savez, moi je trouve que les enfants, c'est pas leur place dans un CRA, enfermés comme ça. Non, ça c'est un truc, ajoute-t-il toujours après un temps de pause, j'arrive pas à m'y faire. Dans cette salle carrelée de blanc du plafond bas, les bruits cognent et résonnent. Les enfants courent en criant derrière les ballons que les policiers gonflent un à un, au rythme des exclamations des plus petits. Des ballons de toutes les couleurs, pâles, acidulés, des couleurs tristes au fond, comme un clown dans un cirque. Une jeune Moldave qui va bientôt partir prépare la venue de sa petite fille qui la rejoint au centre pour rentrer au pays. Ce soir, elles ne seront pas séparées. Un lit à barreaux est installé à côté de celui de la jeune mère. Soigneusement, elle arrange les draps, installe la table allongée et le nécessaire au change. Au milieu de ce brouhaha, une mère tchétchène reste plantée là, son dernier enfant dans les bras qui engloutit un biberon de lait chocolaté. La femme, le visage diaphane, le regard absent, observe la scène d'hystérie collective, médusée, sans sourciller. Elle semble se demander, comme moi, s'il faut rire ou pleurer. Devant l'excitation autour des enfants, joie artificielle difficilement concevable, elle reste pensive. Peut-être s'imaginait-elle qu'ils seraient maltraités, elle et ses enfants, puisqu'on ne veut pas d'eux en France, puisqu'on vient brutalement les chercher au petit matin, puisqu'on les garde à vue, puisqu'on les enferme, qu'on veut les mettre de force dans un avion à destination d'un pays où leur sécurité ne sera pas assurée. Mais non, détrompez-vous, madame. Les policiers, eux, n'ont rien fait, si ce n'est leur travail. Et le pire, c'est que c'est vrai. Les policiers ont là une occasion rêvée de susciter tout ce dont ils doivent faire le deuil dans leur mission. La reconnaissance évidente de l'humanité qu'ils revendiquent souvent quand ils parlent de leur manière de faire leur travail. Certains le disent, que ce qu'ils font tous les jours au CRA, ce n'est que leur travail, qu'ils ne font que leur travail, en professionnel. Et surtout, ils insistent là-dessus, qu'ils font leur travail avec humanité. Ils parlent d'humanité comme si ce mot si large, si plein, si ample et si profond, accolé à leurs actes, ne sont que leur mission, devait les mettre à l'abri de tout jugement. Ils parlent d'humanité pour justifier leurs actes, en amoindrir la portée, comme si tout acte était acceptable du moment qu'il est accompagné, fait avec humanité. Ils parlent d'humanité comme si la subjectivité n'avait pas sa place dans la définition de ce terme, et qu'il n'avait qu'une seule et unique signification, entendue de la même manière pour tous, tout être humain. Mais les policiers savent, et ce savoir les titille, ils savent bien qu'il y a ici quelque chose de pas tout à fait normal, de pas tout à fait humain. Or, que peuvent-ils faire, puisqu'en effet, ils sont aussi les victimes d'un système plus grand et plus fort qu'eux qui les dirige et qu'ils ne pourront jamais contester. Mais ils ne sont pas fous. Ils savent qu'il s'agit là de traitements inacceptables. Ils savent que la mission qui leur est confiée est une incongruité flagrante. Et plus ils savent, plus ils gonflent les ballons, plus ils font sauter les enfants sur les genoux, plus ils distribuent de bonbons, plus ils se pâment devant les jolis minois enfermés tout en regrettant, dans le verbe du moins, qu'il en soit ainsi. Plus ils savent, plus leur zèle est grand de faire croire autre chose. Et tous ces actes de bonté envers l'enfant les sauvent un peu de l'angoisse profonde de participer à l'inacceptable. Ils veulent dire « Non bébé, non petit, je ne suis pas dedans. Regarde, je suis gentil, je te donne des bonbons. » Ces élans d'amour comblent leur détresse intérieure, comme moi ma détresse me fige. Car chacun fait ce qu'il peut de sa détresse. La mienne me laisse de marbre devant l'enfant enfermé. Entre lui et moi, une barrière glacée, comme s'il ne s'agissait pas là d'un humain, mais d'un cas juridique, froid, logique. Le refuge de la raison, sécheresse soudaine de mon affectif cœur de pierre. Un enfant enfermé, je ne l'ai jamais trouvé attendrissant. Je n'ai jamais voulu le prendre dans les bras et lui faire des guilis-guilis pour le faire rire. Pourquoi rire ? Pourquoi mentir et rire quand on veut pleurer ? Je suis pétrifiée, je suis froide. L'enfant m'agresse secrètement. Il blesse mon intérieur et me rend nerveuse. Avec toute sa candeur d'enfant, il me met en face de nos bêtises d'adulte, du monde mal fait, de l'injustice qui retombe sur les faibles et les innocents. L'enfant me confronte à ma position qui n'est pas meilleure que celle des autres, des policiers et de tous les autres qui participent au système. Ma position, pourtant choisie, n'est pas meilleure que celle du major, contrairement à ce qu'il pense de moi, contrairement à ce qu'il croit que je pense de moi. Il faudrait pouvoir dépasser ce désespoir pour aller plus loin, là où il y a l'espoir nouveau et le rire. Je sais que c'est cela qu'il faudrait faire, mais je n'y arrive pas. Demain, si l'ordre en est donné, les policiers les embarqueront, ces enfants. On a bien rigolé, mais maintenant faut y aller, on rentre à la maison. Il ne faudra pas s'opposer, il ne faudra pas pleurer, il faudra être gentil pour ne pas rendre la tâche de ceux qui ne font que leur travail plus difficile. Il faudra rentrer à la maison, car la logique est tout de même qu'ils ne peuvent pas rester en France, puisqu'ils sont en situation irrégulière. Ils doivent rentrer dans leur pays, car on ne peut quand même pas accueillir toute la misère du monde. Et puis, on a reçu des ordres, on n'a pas le choix. C'est pas nous qui décidons, nous ne sommes pas responsables. Il faut les reconduire avec humanité, comme disait l'autre, comme ils disent. Pour se rassurer, on pensera à la vie difficile que les familles avaient en France, entre tracasseries administratives et logements précaires, et on se dira qu'ils sont sûrement mieux chez eux. Pour se rassurer, on leur attribuera nos propres pensées, plutôt que de chercher à se mettre à leur place. Et alors là, c'est sûr, on dira qu'ils seront mieux chez eux, car chacun sait et personne ne réfute qu'on est toujours mieux chez soi. Je sors de la zone des familles, et la petite Léna m'interpelle. « Donne-moi le ticket, donne-moi le ticket !» Le ticket, c'est le passe qui me permet de circuler dans tout le centre. Léna insiste. « Madame, donne-moi le ticket !» Je proteste car ce n'est pas un jeu, et elle sort avec moi de la zone sans que je puisse la retenir. Derrière elle, son frère suit en courant. De justesse, je les rattrape, et dans un geste d'une inavouable indécence, je les raccompagne tous les deux dans leur prison, et je referme la lourde porte magnétique sur eux. Vous voyez, moi aussi je fais mon travail, mais avec humanité. Charlotte de Laubier. Antxeta irratia. .com. All around the world, there is two men. Le premier men est là un flingue. Le deuxième men est creuse. Et toi aujourd'hui, tu creuses. Ah ouais, ouais c'est moi j'ai le flingue, toi tu creuses, c'est comme ça. Oh te plains pas, tout va bien, t'as une pelle, ça va. Oh creuse, ouais bah c'est ça chez ma pousse. Oh c'est pas possible de creuser que là j'ai là-bas. Si c'est possible, tu... Vas-y t'es, creuse, dépêche-toi. À ce qui paraît la France va bien alors. Pourquoi je tire la tronche d'ailleurs, tout le monde doit être heureux. Vu qu'il y a plus personne qui bronche, c'est vrai. Mieux que je me taise ou alors que je fasse semblant. Croire enfin à leur foutaise et que je dise merci au président. Merci Monsieur le Président, pour tout ce que vous m'avez fait. Merci pour la cité dortoir, le chôme du LPV. La dernière fois qu'un de vos ministres est passé dans le quartier, je lui ai dit que c'était la merde, il m'a dit Souris, vous êtes filmé. Faudrait faire comme si tout allait bien. Tout va bien. Ne rien dire, ne rien voir et surtout passer son chemin. Faudrait faire comme si tout allait bien. Et tout va bien. Passe le message à ton voisin. Faudrait faire comme si tout allait bien. Passe le message à ton voisin. S'il y a des clochards en France, c'est bien qu'ils l'ont choisi. S'ils préfèrent être SDF, c'est une question de mode de vie. Si les restos du cœur font le plein, c'est qu'il y a plein de profiteurs. S'il y a autant de chômeurs ici, c'est que les Français sont des glandeurs. Tout va très bien, madame la RMiste. Et donc après ce témoignage dont tu peux peut-être nous répéter le titre. Alors, ça s'appelle « Des enfants enfermés ». C'est en fait issu d'un livre qui s'appelle « Chronique de rétention » qui a été écrit par les intervenants de la CIMA dans le centre de rétention. Et je crois que à part celui-là, qui peut être aussi une recommandation culturelle, t'en as d'autres. C'est celle-là. C'était celle-là. D'accord. passe le message à ton voisin. Et moi j'ai une recommandation culturelle, et peut-être ceux qui nous écoutent arrivent un peu en retard, mais tous les jeudis à partir de 19h30, il y a au Gasteche La Cachita un cycle de cinéma multiculturel avec différentes associations, dont Anchieta Irratia et dont la CIMAD aussi, qui proposent des films pour connaître un peu mieux les différentes cultures qui sont toutes ici dans le coin. Donc tous les jeudis à partir de 19h30 au Gasteche La Cachita à Irún. Et normalement, oh, tu creuses là, tu creuses pas, tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais grève? Ah ben non, ça va pas si moi j'ai le flingue, toi tu creuses normalement. Hein. Hé, hey, qui c'est qui a le scénario là? Celui-là il m'énerve, hein, faut le changer, hein. Ça va pas du tout, hein, dégage! Saloperie là, donne la peine, c'est moi je vais creuser, je te la casse, salope, prends-moi le casse, salope, à tout le monde! Tout va très bien, mis à part peut-être 3 millions d'étrangers venus d'Afrique, immigrés, clandestins, sans papiers. Des jeunes barbares islamistes qui mettent le feu à nos banlieues. Mais Sarkozy est là, Cérès, Karcher, Charter, ça va jamais. Nos députés, nos ministres, c'est les mêmes depuis des années. Pour eux, y'a pas de problème, ils se sont jamais plantés. Ils savent tout sur tout, tout le temps, d'ailleurs passent leur temps à nous expliquer pourquoi tout va très bien, et que c'est pour eux qu'il faut voter. Faudrait faire comme si tout allait bien, mais tout va bien. Ne rien dire, ne rien voir, et surtout passer son chemin. Faudrait faire comme si tout allait bien, mais tout va bien. Passe le message à ton voisin. Faudrait faire comme si tout allait bien, mais tout va bien. Passe le message à ton voisin. Faudrait faire comme si tout allait bien, mais tout va bien. Passe le message à ton voisin. Et on a fini avec le temps qui nous était accordé pour cette émission de Gure Kunka. Donc merci une fois encore Sarah. Mais merci à toi. Et on se revoit d'ici 2 semaines. Et on se voit d'ici 2 semaines, tout à fait. Eta entzuten gaituzuten guztiei, ba mila esker beraz gurekin egon izanagatik, eta bihar berriz Herriotsak. Parti d'un bout du monde, j'étais trop grand pour me courber. Parmi les nuages de poussière, juste au bord de la terre, j'ai marché le long des routes, le ventre à l'air dans le ruisseau. Et même que le vent nous écoute, et la pluie va tomber bientôt. Ce que je fais là, moi, je sais pas, je voulais juste marcher tout droit. Ce que je fais là, moi, je sais pas, je pense à toi depuis 1000 ans. Tellement de nuit sous la paupière, tellement de forêts abattues. Même sous la mitraille et le fer, moi je leur ai rien vendu. Et que même dans l'espace Schengen, ils ont pas voulu de ma peau. Ce que je fais là, moi, je sais pas. Je voulais juste marcher tout droit. Ce que je fais là, moi, je sais pas. Je pense à toi. Herri Hotsak. Bidasoaldeko herri mugimenduaren saioak egunero Antxeta Irratian arratsaldeko 2:00-3:00 arte eta gabeko 8:00-9:00 arte. Pausu Mediak ekoiztutako saioak.